rapidement les publications qui nous ont vraiment intéressés dans le cadre de ce séminaire. Donc c'est s'intéresser notamment à la manière dont le voile a été traité d'un point de vue juridique, donc la carrière juridique du hijab ou du voile. Donc ça c'est le premier axe qui a fait l'objet d'un numéro important dans la revue Droit et Société, le voile en procès. Qu'elle a coordonné seule, je crois. Autre axe de recherche aussi qui nous intéressait, c'est sur la question de la mobilisation. Donc elle a écrit elle aussi un article très important sur cause du voile et lutte pour la parole légitime dans la revue Société Contemporaine en 2009, où elle montre bien tout l'enjeu de la mobilisation autour d'une cause qui est de fait illégitime, et donc elle va à l'analyse assez finement donc la configuration politique qui notamment celle de 2003-2004 donc c'est les problèmes qui se sont posés autour de les mobilisations autour de la loi. Plus récemment, c'est aussi intéressé à la gestion municipale de l'islam. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des publications. C'était avant. Il y a le décalage au niveau chronologique. Et en ce moment, donc, Claire de Galambert travaille sur la gestion de l'islam en prison. Donc, quand je lui ai suggéré de venir dans le séminaire, donc, elle m'a proposé une intervention sur ce thème-là. Alors que je voulais revenir un peu sur ses écrits précédents. Donc là, c'est une nouvelle recherche. Donc tu me présenterai dans le détail. Donc l'intitulé, c'est « La gestion de l'islam en prison », un racisme institutionnel, point d'interrogation. Donc un point d'interrogation qui a toute son importance, je pense. Donc merci beaucoup, Claire, d'être venue. Voilà. Bon, merci beaucoup. Écoutez, je ne sais pas, j'aurais peut-être pas dû te faire une contre-proposition, parce que vu l'actualité aussi du port du voile et la troisième loi en perspective, je ne sais pas combien on va en faire, mais c'est vraiment la loi des séries pour le coup. Ça aurait peut-être été plus astucieux, mais voilà, c'est comme ça. Et la deuxième raison, c'est que... Effectivement, en fait, mon enquête, l'enquête, je vous en dirai plus, que je mène actuellement sur... en fait, ne porte pas directement sur l'islam en prison, mais sur la religion en prison. Elle n'est pas exclusivement focalisée sur l'islam, ce qui est d'ailleurs très intéressant, à mon avis, y compris pour analyser l'islam, parce que ça donne justement un recul très utile. Et d'autre part, c'est vrai que je vous cache pas que je suis pas très familière en fait de ces problématiques de racisme, discrimination, et je pense que, j'imagine que c'est un petit couplet qui doit revenir assez régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une telle légitimité académique à poser les questions en termes ethniques, religieux, que finalement, on est soi-même un peu insécure quand on aborde ces questions. Mais je ne vais pas me dérober. Tu as déjà insisté sur le point d'interrogation. C'est vrai que quand je vous ai donné ce titre d'intervention, je l'ai fait comme ça rapidement parce que je trouvais que, bon, avec le point d'interrogation, ça permettait de suggérer une thématique d'ensemble. Je ne suis pas du tout sûre d'être en mesure de répondre à la question que je pose. Ça, c'est la première chose. Mais au moins, je pense que moi, je suis extrêmement reconnaissante de cette invitation parce que, malgré tout, si je t'ai fait cette proposition, c'est que on a fait pas mal d'enquêtes. On est plusieurs sur ce projet, et souvent, on est ressorti avec un espèce de malaise et cette idée que, quand même, cette question, il fallait réussir à la traiter. C'est-à-dire qu'on sent, on entend des propos dépréciatifs sur l'islam, il y a du racisme ordinaire, il y a une institution qui, parce qu'elle est aussi concernée par la question de l'identification de profils à risque de radicalisation, finit par stigmatiser des gens au sein de la prison. Donc il y a tout cet ensemble de choses. Et du coup, j'étais assez contente, malgré tout, même si c'est un peu dans la douleur, mais d'avoir cette occasion de mettre un peu à plat des idées là-dessus. Et en fait, je vais peut-être, avant de vous dire comment je vais aborder la question, préciser deux, trois choses sur l'enquête, peut-être c'est intéressant pour vous. Je pense que d'abord, il faut préciser que c'est une enquête qui a été commanditée par l'administration pénitentiaire, qu'elle a quand même mis 40 000 euros au pot. Donc, je me dis que, enfin, si tout à coup on s'intéresse à la religion en prison, évidemment, c'est pas forcément étranger au fait qu'il y a des recompositions, hein, au sein de la population pénale qui interrogent l'administration pénitentiaire. Et de fait, donc ça c'était nos présomptions, même si l'enquête, enfin si l'interrogation, elle a porté de la commande, enfin de l'appel d'offres portait sur une question large, il s'avère dans le cadre de nos enquêtes que effectivement, ça ne va pas vous étonner, c'est effectivement la question de l'islam qui repose à frais nouveaux le mode de gestion du religieux dans le cadre carcéral et qui en fait revitalise d'ailleurs cette institution qui semblait tomber doucement en désuétude qui est l'aumônerie et qui la remet à l'ordre du jour comme vous avez pu vous en rendre compte si vous lisez la presse régulièrement, notamment dans le sillage de l'affaire Mera, mais bien avant. Donc ça, c'est un point important. Donc cette enquête, je l'ai fait, et ça c'est important aussi de le signaler, avec deux collègues, que sont Céline Béraud, qui est, elle, une spécialiste de la sociologie religieuse, ou des religions, et qui a plus travaillé dans une perspective de sociologie des professions, sur la prêtrise. Donc c'est assez intéressant d'utiliser les prismes associés des professions à cet effet. Et puis surtout, l'autre personne du trio, c'est Corinne Rostin, qui, elle, est une spécialiste de la sociologie carcérale. Et alors, de façon tout à fait intéressante, je vous le dis au passage, quand je l'ai appelée pour monter l'équipe, elle m'a dit « Mais tu sais, moi, la religion, je ne la vois pas beaucoup en prison ». Donc c'est assez intéressant de voir que elle-même est complètement sidérée par le fait que depuis 2 ans on travaille sur cette question et elle a l'impression de l'avoir maintenant partout. Donc il y a quand même des effets de lunettes. Donc ça, je trouve que c'est un point qui mérite d'être signalé. Cette enquête, on l'a fait porter sur 8 établissements. On a fait un espèce de panachage selon les catégories d'établissements, maisons d'arrêt et établissements pour peine. On a varié les territoires. Donc, il y en a certains qui sont en territoire concordataire, il y en a d'autres qui sont dans le sud, il y en a qui sont à l'ouest, certains qui sont en région parisienne, en région centre et autour dans la région Rhône-Alpes. Et pour aller très vite, cette enquête, elle est faite de beaucoup d'entretiens, mais de beaucoup d'observations. Et elle a 3 axes complémentaires. Elle vise d'une part à comprendre en quoi la religion pose problème à l'administration pénitentiaire. La deuxième chose, le deuxième axe est davantage axé sur la façon dont la religion vient aux détenus et ce que ça représente dans sa vie carcérale, ce que ça peut représenter pour affronter, ou non d'ailleurs, hein, parce qu'on est beaucoup sur le ou non, pour affronter l'épreuve carcérale. Et le troisième axe, je vous le dis très rapidement, c'est évidemment la question des aumôniers. De savoir, avec une question qui est de savoir si les aumôniers sont des outils de régulation du religieux ou pas. Alors, pour venir à mon intervention, moi, ce que j'ai envisagé de faire, c'est de décomposer, finalement, en quoi consiste le problème musulman en prison, car, à l'évidence, c'en est un. Et donc, c'est à partir de cela que je vais essayer de tracer une réflexion sur les tenants et les aboutissants des formes de discrimination anti-musulmane qui peuvent exister en monde carcéral. Et pour aborder cette question, il me paraît important de situer la réflexion à plusieurs niveaux que je vais distinguer, mais en fait qui ne cessent d'interagir et qui sont en étroite interdépendance les uns avec les autres, mais pour l'exposition, c'est quand même plus facile. Il y a tout d'abord le niveau macro, et ça c'est un peu la chose sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps et qui m'est apparue nouvelle, parce que nous, comme on travaille dans la prison, on prend ce qu'on voit pour un donné comme une évidence. Et puis à un moment, je me suis dit, mais dans le fond, il y a quand même quelque chose qui mérite d'être un peu interrogé. C'est cette évidence publique et médiatique qui s'est imposée, selon laquelle l'islam est la première religion carcérale. Et là, je me suis dit que avant d'aller regarder ce qui se passe intramuros, que j'ai fait beaucoup, et du coup, paradoxalement, je vais peut-être plus vous parler de l'extramuros que de l'intramuros, mais bon, dans la discussion, on pourra revenir dans l'intramuros. Avant d'aller voir ce qui se passe dans l'intramuros, moi, il me paraît quand même très important, parce que ça, c'est des choses qui vont de soi et qui ne sont jamais posées dans le débat, de resituer quand même la prison dans la société pour se demander tout de même ce que signifie cette idée qui se véhicule dans l'espace public, médiatique, qui est reprise par les autorités publiques, qui est reprise par les sociologues parfois, d'une présence massive de l'islam en prison. Et je pense que ça pose toute la question en aval, qui n'a pas été posée justement, de celle de la construction, des processus de construction de la population pénale. Et là, c'est vrai qu'on a des outils en sociologie pénale, mais cette construction, elle me paraît importante parce que elle renvoie à la fois à des mécanismes de filtrage de la chaîne pénale, la construction des incriminations, mais aussi par de façon un peu plus symbolique sur les assignations identitaires qui sont véhiculées par la catégorisation qui semble aller de soi d'une partie de la population présente en prison à partir de cet attribut supposé ou réel qu'est l'islam. Et donc là, tout à coup, je me suis dit, mais dans le fond, ce truc-là, on ne l'a jamais posé comme ça, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant. Donc ça, c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau, qui est un niveau plus mezzo, qui consiste donc à s'interroger sur la prise en charge institutionnelle de l'islam par l'institution pénitentiaire. Et donc là, ce que je voudrais montrer, c'est que cette reconnaissance, elle a été tardive. Et non seulement elle a été tardive, mais elle a résulté, en fait, elle s'est faite sous contrainte. Et un des déterminants lourds de cette reconnaissance, c'est précisément la lutte contre la radicalisation religieuse. Donc il y a une espèce de connexion très forte entre cette prise en compte officielle, ce qui ne veut pas dire que dans les établissements, il ne se passait rien. Donc ça, c'est un niveau. Hein. Je parle de la structuration de l'aumônerie nationale, c'est 2006, et elle est clairement présentée comme une réponse au risque de radicalisation. Et enfin, je passerai très vite sur le niveau micro, sur la place de l'islam dans les rapports sociaux au sein du monde carcéral, entre surveillants et détenus, pour vous dire un peu quelles sont, c'est très difficile de généraliser, mais quelles sont au moins les hypothèses que j'ai sur ce plan. Donc j'en viens au premier niveau, hein, le niveau macro. Islam, première religion carcérale. Alors, moi, je trouve déjà qu'il y a un paradoxe extraordinaire, mais qu'on retrouve en ce qui concerne les musulmans dans d'autres sphères de la société. C'est ce paradoxe entre ce dénombrement constant et cette idée qu'on doit pas compter, que c'est pas légitime de compter. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose vraiment qui à chaque fois me surprend, m'étonne. Et l'autre chose, l'autre petit préalable, c'est que, et là, la présence de Corinne Rostin dans l'équipe est extrêmement utile, puisque elle, ça fait 20 ans qu'elle traîne ses guêtres en prison, et elle, récemment, elle a repris des entretiens ou ses observations des années 90, et elle dit, c'est très intéressant, elle dit, mais dans les années 90, on ne parlait pas des musulmans. Il n'en était pas question. On parlait des Maghrébins, on parlait des Arabes, mais on ne parlait pas des musulmans. Donc il y a, là aussi, en prison, comme dans le reste de la société, cette énigme, moi je trouve que c'est une énigme quand même extraordinaire, c'est que dans les années 80, il n'y avait pas de musulmans en France, quasiment, et puis tout à coup, ils sont devenus 3 millions, ils sont 6 millions, quoi. Donc là, il y a un truc qui me paraît toujours, moi je trouve que sociologiquement, c'est quand même une belle énigme, où on a évidemment des hypothèses et des réponses à ça, mais je trouve que sur le changement d'espace de classement, il y a eu quelque chose qui a été quand même assez fulgurant. Alors, qu'est-ce qui se joue derrière cette labellisation, catégorisation d'une bonne partie de la population pénale comme musulmane ? Moi, je voudrais passer par une petite généalogie de cette mise en nombre des musulmans pour essayer de répondre. Hein ? Donc, pour faire cette généalogie, j'ai fait un petit dossier de presse, et puis j'ai regardé qui parlait et quand est-ce qu'on commençait à dénombrer les musulmans en prison. Et donc, là, ce qu'on voit très bien, c'est que il y a des espèces de moments de rupture. C'est en gros 95, c'est le GIA. Voilà, l'affaire Kelka, le GIA, et puis évidemment le 11 septembre qui renforce ce turning point, si je puis dire. Donc de façon très symptomatique, le seul article que j'ai trouvé dans le dossier de presse qui est à la direction de l'administration pénitentiaire, enfin dans son centre de documentation, c'est un article qui date de 90, enfin il y en a plusieurs, et qui fait état d'une revendication d'un petit mouvement de blocage de détenus musulmans dans la prison de Saint-Paul, à Lyon, qui revendique un lieu de culte et qui demande un imam. Et ce qui est intéressant, c'est que cette revendication, elle est répercutée dans les médias nationaux, hein, parce qu'on trouve des échos dans Le Monde et Libération. Ce qui est intéressant, c'est que les journalistes restent très prudents sur les estimations. Ils disent que les prisons lyonnaises comptent environ un tiers d'étrangers dans leurs murs, dont une forte majorité de musulmans. Donc il y a cette idée que l'islam est associé à une religion exogène, mais en même temps, on se refuse à dériver le nombre de musulmans de la nationalité. En revanche, et ça c'est un point important, l'imam, lui, qui est régional, qui se porte candidat pour être aumônier, lui, il n'hésite pas à dénombrer. Et il dit qu'il y a 60% de population carcérale, enfin, il y a 60% de la population, pardon, carcérale qui est d'origine musulmane, surtout des jeunes, et notre mission est d'aller leur porter assistance. Je le dis parce que parmi les acteurs sociaux qui ont intérêt à agir et qui ont intérêt à dénombrer, ça on le voit très très bien, il y a les aumôniers de prison ou ceux qui veulent que cette fonction soit davantage valorisée. Du côté de... Alors, ce qui est intéressant dans ce moment en 90, c'est ce qui est dit du côté de la direction régionale de l'administration pénitentiaire. De fait, le discours minimise la réalité de l'islam en prison. Le responsable, le chef d'établissement de la prison Saint-Paul, dit « L'islam ne fait pas recette en prison ». Il note que les musulmans pratiquants sont très peu nombreux. Il dénombre une cinquantaine sur 600 prisonniers à Saint-Paul, 10 sur 300 à Saint-Joseph, qui est une autre prison. Vous goûterez l'assimilation de l'univers carcéral à l'univers chrétien et catholique à travers les nominations des prisons. Alors que les détenus maghrébins représentent à l'époque 40% de la population carcérale. Donc, voilà. Et le responsable, toujours, dit que, dans le fond, d'une part, l'islam ne veut pas rester en prison, mais que, surtout, la revendication, elle est orchestrée par des intégristes. Donc, voilà. Et puis après, j'ai plus rien dans le dossier de presse, j'ai trouvé aucune trace de dénombrement. Et la question du dénombrement, elle revient avec un dossier du Monde en octobre 2001, qui est composé notamment, qui fait état d'un long témoignage d'un détenu d'origine maghrébine, qui dit que lui-même, qui dénonce en fait les pressions des islamistes en prison. Et ce dossier fait état donc de chiffres. Et notamment à travers Xavier Ternisien, qui est celui qui, à l'époque, suivait le dossier religion au Monde, et qui dit que la proportion des détenus d'origine musulmane serait de l'ordre de 50% à 60% sur un total de 45 000 personnes. Mais on n'a aucune justification de ce chiffre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les détails des différents articles qui composent ce dossier, on voit que... En fait, le fait islamique est minoré. C'est-à-dire que les acteurs eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans ce dénombrement. Donc ça, c'est déjà un point qui est assez intéressant. Mais dans la petite manchette et puis le petit, comment on appelle ça, le chapeau, voilà, dans le chapeau, il est fait état, merci, de ce chiffre. Et ce chiffre est connecté à quelque chose d'autre. Il est connecté au faible nombre des aumôniers. Donc c'est aussi une des dimensions du chiffre. Ce chiffre, il est mobilisé très souvent aussi, pas simplement pour dire qu'ils sont beaucoup, mais pour dire aussi qu'ils sont beaucoup et l'offre culturelle est insuffisante, puisque à l'époque sont dénombrés 44 aumôniers pour 450 intervenants catholiques. Troisième moment fort hein, dans le dénombrement, c'est l'enquête de Farhad Khosrow Kavar et son livre « L'islam dans les prisons ». Et c'est avec la publication de ce livre que se banalise l'idée que l'islam est la première religion carcérale. D'ailleurs, c'est son expression. Donc, c'est le titre de son premier chapitre. Son premier chapitre porte un point d'interrogation. Il prend quelques précautions méthodologiques, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une annexe qui explique comment il compte. Mais sa prudence s'exprime au début, certes, dans un « probablement la première religion ». Et puis, plus on avance dans le livre, mais pas besoin d'aller très loin, dès la page 11, il dit « Les musulmans forment la majorité de la population carcérale. Leur taux dépasse souvent les 50% et avoisine parfois les 70%, voire les 80% dans les prisons proches des banlieues. » Comment est-ce qu'il procède pour son décompte ? Il procède en dérivant de l'analyse des origines nationales des détenus ou de leurs parents. Donc, il montre, par exemple, là, je vous cite un passage, alors que les citoyens français dont le père est né en Afrique du Nord représentent 5,8% de la population française, leur taux de représentation au sein de la prison, des prisons françaises est 5 fois supérieur, soit 30%. Les détenus dont la mère est née en Afrique du Nord représentent 22,2% de la population carcérale, mais seulement 5% de la population française. Et il continue, ces chiffres semblent confirmer une opinion très répandue selon laquelle la proportion des musulmans dans les prisons françaises est bien plus importante qu'elle l'est dans la société française dans son ensemble. Donc, les chiffres de Khosrow Kavar reposent sur une double présomption, celle de l'appartenance à l'islam d'individus nés dans un pays du Maghreb et celle de la transmission de cette appartenance à leurs enfants. Et elle ne prend pas en compte, du coup, les détachements, voire les abandons, par rapport à une affiliation confessionnelle héritée, et ne constitue donc qu'un ordre de grandeur un peu grossier. Donc, Farhad Khosrow Kavar est tout à fait conscient des limites de son estimation. Il consacre, donc je vous le dis, il y a une annexe à sa méthodologie. Il n'en demeure pas moins que le chiffre, la statistique, 50 à 80% des musulmans, vous regarderez dans les récentes évocations de l'islam en prison, elles sont très très souvent reprises. Cette expression de 50 à 80%. Donc, on peut dire que son estimation a fait carrière, et elle a fait carrière dans les médias. Hein. Le livre, 2004. Donc, on voit, je ne vous cite pas les titres des journaux. C'était une commande ? Non, ce n'était pas une commande. En revanche, cette première enquête a embrayé sur une commande sur la radicalisation religieuse. Voilà. Et à partir donc, de 2004-2005, on a ce chiffre hein, qui se balade et on est en gros toujours au-dessus de 50%. Hein. Je passe vite. Alors, un des déterminants forts de cette mise en nombre, en fait, il y en a deux. Il y a le premier déterminant, c'est l'assimilation de l'islam au risque terroriste. Hein. Et c'est-à-dire qu'il y a une évidence qui se niche dans une autre. Cette évidence, elle se construit au début non chiffrée et on commence à la voir surgir au moment des attentats du GIA qui joue, comme tu le suggérais tout à l'heure, tu le disais, à un double niveau, à travers la figure de Khaled Kelkal qui va sans cesse, une espèce de prototype en fait, hein, qu'on va retrouver systématiquement dans les journaux comme finalement le beurre des banlieues converti en poseur de bombes, qui se serait par le passage en prison. Hein. C'est cette espèce de raccourci, de mise en récit finalement du destin de Khaled Kelkal, qu'on doit d'ailleurs à Dietmar Lorre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Dietmar Lorre était un chercheur en sciences politiques, il avait fait un énorme entretien avec lui 2 ans après la mort de Khaled Kelkal, et qu'il l'avait... Oui, 2 ans, j'ai dit après. Excusez-moi. Sauf s'il a des techniques qu'on connaît pas, les Allemands sont capables. Il est allé au paradis ou à l'enfer, j'en sais rien, ou peut-être dans les Landes. En tout cas, bref, ça avait fait peut-être sa carrière, je ne sais pas. Mais il y avait cette double page dans Le Monde, et dans cette double page, dans tout le récit de Khaled Kelkal, il y a 3 lignes sur son passage en prison, dans lequel il dit qu'effectivement, il s'est remis à prier. Et qu'il est redevenu, il a appris l'arabe en prison, etc. Et de là, imputer tout son processus, enfin, c'est de conversion à ce passage en prison, il y a quand même un raccourci qui me paraît un peu hâtif. Et puis la deuxième, donc la figure de Khaled Khelkhal, et puis le deuxième point important dans les années 95, c'est évidemment l'incarcération des personnes soupçonnées et pour un certain nombre d'entre elles reconnues coupables des attentats du GIA 95. Et là, effectivement, on a un certain nombre d'acteurs, on a les juges antiterroristes, on a un syndicat pénitentiaire qui commence à dire. Il faudrait quand même faire attention parce que ces gens-là ont une aura dans le cadre carcéral et ça diffuse et il y a une influence importante. Et donc là, tout bon, à ce moment-là, ministre de la Justice dit « bon, je me saisis du dossier ». Il est interpellé par un ancien juge terroriste devenu parlementaire. Donc il y a une question à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Et tout bon diligente une enquête, mais... En fait, tout ça, j'ai aucune trace. Il semblerait que ce soit un peu passé par pertes et profits. Le sujet ressurgit, en fait, après les attentats du 11 septembre. Et il ressurgit, donc, à la fois à travers le dossier du Monde, donc, que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui date d'octobre 2001. Et puis, il ressurgit à travers la réflexion internationale sur la lutte contre le risque terrorisme. Et du coup, un certain nombre d'innovations institutionnelles au sein même de l'administration pénitentiaire, dont la création d'un service de renseignement pénitentiaire ayant, entre guillemets, pignon sur rue, qui coopère avec les différents acteurs identifiés sur de la sécurité, donc police et gendarmerie. Donc à l'époque, c'est RGDST, et au niveau central, au niveau régional et au niveau local. Donc là, il y a un dispositif qui est mis en place avec la création de ce qui est appelé un état-major de sécurité. État-major de sécurité qui visibilise la politique de renseignement au sein de l'administration pénitentiaire. Parce que pour avoir discuté avec ces gens, j'ai été quand même assez intriguée, je leur ai dit quand même... J'imagine qu'il devait bien y avoir un peu d'échange d'informations avant. Ça existait, mais il n'avait pas de lieu et c'était pas centralisé. Donc ça se faisait plutôt, j'imagine, par des réseaux interpersonnels. Donc bon, la personne n'était pas en mesure de me renseigner davantage parce qu'il y a une forte amnésie en fait dans ces administrations parce qu'il y a beaucoup de turnover. Et toujours est-il que donc, cette novation, c'est vraiment cette institutionnalisation avec des directives qui sont destinées au personnel pour attirer leur vigilance, donc 2003-2004, sur cet aspect des choses. Hein. Et puis l'amorce de la constitution d'un outil de détection des profils à risque et de mesure. Donc cet outil vise d'une part à repérer les comportements à risque avec plusieurs items, quel comportement, l'évaluation des tendances, etc. Il permet de le graduer au risque de trois couleurs, jaune, orange, rouge. C'est aussi un outil, et en fait, c'est sa principale utilité, et ça c'est un point important, c'est un outil qui est destiné à faire remonter les informations en administration centrale pour chiffrer ce risque. Et pourquoi est-ce qu'il faut chiffrer ce risque ? Il faut chiffrer ce risque parce que il faut quand même faire comprendre au ministère de l'Intérieur qui a tendance trop facilement à externaliser la question du non-traitement ou des défaillances sur de la gestion du risque terroriste sur l'administration pénitentiaire qui jusqu'à ce moment-là était très faiblement armée pour se défendre contre ce risque. Donc en fait, ils le disent très bien au sein de l'administration que il s'agissait d'avoir un baromètre propre pour pouvoir d'abord objectiver, se défendre contre les fantasmes et aussi avoir quelque chose à opposer aux estimations qui étaient faites à l'époque par les renseignements généraux. Donc là, il y a aussi quelque chose qui est important parce que dans la construction du problème, il est très net qu'il y a cette concurrence entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Et on l'a très très bien vu dans l'affaire Mera. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, immédiatement, parce qu'évidemment, c'est très commode pour pour les autorités, pour les acteurs politiques, de dire finalement le problème vient de la prison parce que c'est circonscrit. On peut tout de suite faire état de mesures concrètes. Donc c'est pour donner l'impression qu'on traite le problème, qu'on le gère. Évidemment, c'est plus facile de le faire à ce niveau-là. Et la DCRI avait beaucoup, beaucoup chargé l'administration pénitentiaire en disant que, en fait, Mera s'était radicalisée dans le cadre carcéral. Et en faisant complètement abstraction de tout le reste. Dans cette construction, de cette assimilation, hein, de cette présence importante des musulmans en prison à ce risque de la radicalisation, là encore, le livre de Khosro Kavar joue un rôle important. Il joue un rôle important parce qu'il souscrit au diagnostic d'une prison comme terreau de radicalisation religieuse. Le livre a été extrêmement médiatisé, hein, très très fortement médiatisé. Et il ajoute quelque chose d'important, lui. Il dit « c'est parce que l'islam carcéral est en déshérence qu'il se radicalise ». Donc l'intégrisme se nourrit de ce refus de reconnaissance. Et c'est dans ce sens-là que la mobilisation des chiffres est utile pour sa démonstration, puisque son idée, c'est de montrer qu'effectivement, il y a une faiblesse de la prise en compte par l'institution pénitentiaire. Et que, de fait de cette faiblesse, ça accroît le sentiment d'injustice des populations qui s'estiment déjà discriminées à l'extérieur et du coup tentent à faire qu'elles se laisseraient manipuler par ces célèbres imams autoproclamés dont on parle régulièrement. Donc là, le dénombrement de musulmans sert bien à pointer ce décalage. Mais il y a une association forte, néanmoins, entre l'idée qu'il y a beaucoup de musulmans en prison et l'idée que la prison est loin de neutraliser leur dangerosité potentielle, la magnifie. Hein. Et donc, c'est à partir de 2004-2005 que cette idée que la prison est un creuset de vocation terroriste devient un véritable marronnier médiatique. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il est question de terrorisme islamique, on voit cette idée ressurgir. Et on voit très bien le processus qu'il y a derrière du point de vue médiatique. C'est-à-dire que j'imagine qu'on voit les précédents articles, on a son réseau de sources, c'est facile, il y a les aumôniers de prison, il y a des acteurs qui sont identifiables. Donc, pour construire l'information, il y a quelque chose qui est relativement aisé. Il y a une étape que j'ai oubliée, c'est l'audition au sein de la commission Stasi de Pierre Raffin, qui est chef d'établissement à l'époque de la santé et qui également fait état de cette, à la fois de cette importance du fait islamique en prison et également de cette radicalisation importante qu'il observe de son poste d'observation, et cette mise en corrélation avec cette idée que c'est parce que l'islam est en déshérence qu'il se radicalise. Ou en tout cas, cette idée que pour le canaliser, il faut répondre à des demandes d'islam et que l'institution pénitentiaire agisse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tandis que cette double évidence sur le fait que l'islam est non seulement un phénomène massif en prison, mais qu'il est susceptible de se radicaliser, donc fait carrière, on fait totalement l'impasse, et totalement l'impasse, sur ce qui fait la corrélation entre cette surreprésentation du fait islamique, qui est en partie réelle, en prison, et la prison. Hein, et moi, je trouve que cette double évidence, elle est intéressante, parce qu'elle suggère en fait deux choses. Elle véhicule, elle charrie des représentations. Elle charrie, d'une part, une assimilation de la délinquance et du crime aux populations qualifiées de musulmans, donc ethnicisation du crime, et elle charrie d'autre part une logique de criminalisation de l'islam en mettant l'accent sur le fait terroriste. Et la prison, là, est un merveilleux opérateur de rencontre entre les deux et d'étaiement réciproque de cette dangerosité de l'islam, finalement. Hein ? Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose qui mérite sans doute d'être travaillé, d'être approfondi, mais je trouve que ça mérite d'être souligné, en tout cas. Et donc tout cela prédispose à une lecture qui est ethnicisante, qui suggère un raccourci culturaliste, qui finit par faire l'économie de toute une série de processus qui font que, de fait, la population, je vais l'appeler de culture musulmane, mais je ne sais même pas comment on doit l'appeler. Enfin, c'est ça mon problème, moi. Quelle que soit la diversité des rapports que les individus ainsi nommés entretiennent avec l'islam, alors on est obligé de faire des énormes périphrases. Donc, elle fait cette lecture ethnicisante fait l'économie du processus qui font que ces individus ont plus de chances de faire une expérience carcérale que d'autres populations, que j'ai d'ailleurs du mal à nommer, parce que je ne sais pas si je dois les appeler catholiques, protestants, donc musulmans, donc juifs. Enfin voilà, donc là j'ai athée, enfin voilà. Donc dès qu'on rentre dans les catégorisations, on a une certaine difficulté. Mais et là c'est tout à fait étonnant, parce que la sociologie pénale, elle a des choses à nous dire sur cette corrélation. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, la sociologie pénale, elle invite à la dénaturalisation du fait délictuel, criminel, pour voir comment la criminalisation est le fruit contingent d'un processus de construction sociale, de hiérarchisation en termes de dangerosité. Et là, bon, je renvoie à toute la problématique des illégalismes populaires de Foucault, hein, qui avait bien pour objectif de mettre en évidence la fausse neutralité des catégories juridiques à partir desquelles la frontière entre ordre et désordre est construite. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de se rappeler que la population carcérale, elle ne peut pas être pensée hors d'un double processus à travers ce premier processus, le jeu des catégorisations, hein, qui sont définies dans les incriminations. Donc, comment on construit ces incriminations et, évidemment, qui les construit et à quel effet. Et de l'autre part, la mise en œuvre par les instances de contrôle et de sanctions de ces catégorisations. Donc, ça, c'est des choses qui sont très banales en sociologie de la déviance et sociologie pénale, hein, mais on sait très bien que au terme de ce processus qui est cumulatif, on a ça finit par déterminer une surcriminalité de certaines catégories de population qui sont en réalité imputables sociologiquement aux mécanismes sociaux qui aboutissent à cette surreprésentation. Hein. Et donc, là, il faudrait reprendre toute la chaîne pénale jusqu'au travail de la police. Et donc, voilà, pour montrer que la construction des incriminations. Donc là-dessus, il y a quand même un peu de littérature, hein, sur notamment cette association entre la criminalisation de populations issues de l'immigration. Il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette littérature ne connecte pas non plus avec le référent islam. Donc il y a là deux champs de sociologie qui dialoguent pas. Et je trouve que, il y a quelque chose à... Il y a un maillon qui manque et qui mériterait d'être davantage travaillé. Alors l'idée que j'ai essayé de mettre en avant ici, et j'ai encore du mal à la formuler, donc pardonnez-moi si c'est un peu encore un peu abscon, mais c'est que... dis-moi qui est en prison et je te dirai quel est l'ordre social et symbolique qui sous-tend la société dans laquelle nous vivons. Et donc, moi, il me semble que, si on se situe dans cette réflexion-là, la prison participe de la construction d'un ordre symbolique inversé. Et je pense que, dans cette perspective-là, le fait qu'une partie de cette population incarcérée soit désignée comme musulmane, à la fois témoigne d'un ordre social, si elle est là, c'est à la fois, enfin, la désignation, si elle est là, c'est d'une part parce que c'est le résultat d'un ordre social qui est discriminatoire et qui conduit une certaine catégorie de population particulièrement en prison, mais c'est aussi, si on les désigne comme tels, moi je pense que ça participe quand même d'une désignation racisante de ces populations, hein, et qui accroît effectivement l'illégitimité sociale et publique de l'islam. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau institutionnel? Donc on va rentrer maintenant un peu plus dans la prison. Au niveau institutionnel, je vous l'ai dit tout à l'heure, la réponse de l'institution pénitentiaire à la redistribution de la donne religieuse en prison, elle a été tardive. Elle a été tardive et elle a été très largement ordonnée à cette question de neutralisation ou de prévention du risque de radicalisation. Donc, juste pour votre gouverne personnelle, il faut que vous sachiez que au sein de l'administration pénitentiaire, on a un régime de laïcité un peu particulier, spécifique, puisqu'on a affaire à une institution qui est fermée, et que, du coup, le principe de non-reconnaissance et de non-financement des cultes ne s'applique pas, puisque les populations n'ont pas la possibilité elles-mêmes d'aller vers le culte qui est le leur. C'est à l'administration de pourvoir à cette possibilité. Et là, soit dit au passage, on est de façon assez savoureuse, je trouve, sur la contradiction de la loi 1905, parce que le principe de laïcité, c'est à la fois la non-reconnaissance, le non-financement, mais en même temps, on oublie toujours l'article 1, qui est la valorisation et la garantie du libre exercice du culte. Et là, ce principe de séparation qui, théoriquement, ou en tout cas dans le discours ambiant, laisserait à croire qu'il se vit sous le mode de l'ignorance. Dans l'univers carcéral, c'est très clairement, il se vit sur le mode du paradigme des cultes reconnus hanté 1905 et de financement. Donc on ne peut pas financer si on ne reconnaît pas, etc. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est là où moi j'ai un point de désaccord avec la lecture que fait Farhad Khosrokavar en disant que le problème, c'est la laïcité en prison, ça se heurte à la laïcité. Alors je ne sais pas de quelle laïcité il parle, mais en tout cas, il y a une chose, moi, qui me frappe dans le domaine carcéral, c'est que la religion a une place légitime. Et elle a même une utilité sociale, c'est même un outil, c'est un outil de gestion. Donc ça, ça vaut pas simplement pour les musulmans, ça vaut pour l'ensemble. Et donc, il y a une espèce de présence très... qui va de soi, en fait, du fait religieux, et de reconnaissance qui va de soi. Donc ça, c'est aussi un point particulier. Et justement, je vous dis ça parce que ça rend d'autant plus saillant le fait que l'administration pénitentiaire au niveau central n'ait jamais pris à bras-le-corps, avant 2007, la question de la reconnaissance institutionnelle de l'islam. Il faut attendre 2007 pour ça. Donc, Farhad Khosrokavar, dans son livre, avait d'ailleurs, qui a été une sorte de catalyseur de publicisation du problème de cette discrimination à l'égard de l'islam, avait pointé, il avait été très critique sur l'absence de prise en compte du dossier islam par l'administration pénitentiaire. Il avait constaté la pénurie d'imams. Donc, à l'époque, en 2003, il y avait 513 aumôniers catholiques, 267 aumôniers protestants, 69 musulmans. Il avait pointé le fait qu'il n'y avait pas de colis pour la fin du ramadan, alors qu'il y en avait pour d'autres fêtes religieuses, les limites de l'alimentation halal, les problèmes que pouvait poser l'entrée des tapis de prière en prison, et donc il avait beaucoup insisté sur ce point majeur que l'intégrisme se nourrit de ce refus de reconnaissance. Donc, cette politique la politique de normalisation menée par la paix, elle commence en 2007. Elle s'incarne à travers des notes, des directives qui sont diffusées dans les établissements, et notamment une note substantielle qui date de 2007, consacrée à l'exercice du culte musulman en milieu pénitentiaire, qui est signée par le DAP, le directeur de l'administration pénitentiaire, qui est Claude Darcourt à l'époque, et qui clairement affiche une politique de rattrapage à l'égard de l'islam. La note indique ainsi que l'exercice du culte musulman nécessite, je cite, que des dispositions soient prises ou rappelées. Son objectif est de doter, l'objectif de cette note, de doter l'établissement de repères clairs, communicables aux personnes détenues, afin qu'elles puissent pratiquer leur culte dans les meilleures conditions possibles au regard des contraintes pénitentiaires. Et dans la foulée de cette note, sont apportées des précisions pour réguler les pratiques des personnels. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une prière en cellule au moment où on vient chercher le détenu pour un parloir ou une promenade? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux prières collectives? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la diffusion des calendriers de prière? Quels sont les objets cultuels qui sont autorisés, licites ou pas? Sous quelles conditions? Est-ce que sur le port des vêtements également, donc ça c'est tout le débat sur le fait de savoir si la djellaba est un vêtement culturel, etc. Enfin, à l'époque, c'était identifié comme quelque chose ayant une connotation religieuse. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à 2007, moi j'ai référencé toutes les notes de l'administration pénitentiaire sur la religion. Et il y en a un certain nombre. Jusqu'à 2007, il y en a deux. Une qui date de 93, qui concerne le Ramadan. Et cette note est en fait le produit d'une coopération entre la direction de l'administration pénitentiaire et du CORIF. Je ne sais pas si le CORIF, c'était le conseil de réflexion sur l'islam de France ou en France, je ne sais plus. C'était en France. En France, c'est ça. Ouais. C'était en France, hein, c'est ça, il me semble bien. Et qui était l'instance que Jox avait mis en place, qui était un conseil de consultatif et non représentatif, il avait beaucoup insisté là-dessus, qui était la première amorce, dans le fond, de ce qui deviendra plus tard le Conseil français du culte musulman. Et donc, en 93, il y a un texte succinct qui est rédigé par le CORIF, qui présente l'islam, ses pratiques essentielles, ses principales prescriptions, ainsi que ses fêtes, et donc, pour informer les personnels de l'administration pénitentiaire. Autant vous dire qu'on le trouve en administration centrale. Pour avoir suivi la trajectoire des notes de haut en bas, il y a de fortes chances qu'il ait été rangé dans un tiroir dans les établissements. Ça, c'est pas le propre d'une note relative à l'islam, c'est le propre de beaucoup de notes sur des sujets qui sont quand même... La religion, c'est quand même, somme toute, considéré comme relativement secondaire. Il y a une deuxième note en 1994 qui porte sur l'Aïd el-Kébir, qui est très laconique et qui rappelle juste l'autorisation de mise en vente dans les cantines de produits liés à cette célébration. Donc, c'est encore assez limité. En revanche, on a deux notes substantielles sur 2003-2004 sur la gestion du prosélytisme islamique en prison. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que finalement, c'est plutôt... On a quand même, c'est ça qui a été premier hein, dans la prise en compte de l'islam. En 2008, il y a une nouvelle note qui, elle, concerne l'organisation du Ramadan. La note indique d'emblée, je cite, que si l'administration a fait de nombreux efforts d'adaptation, une marge de progression demeure, c'est moins qu'on puisse dire, vous allez voir. Elle poursuit en précisant que s'il n'est pas possible de satisfaire à toutes les demandes cultuelles des populations d'obéissance musulmane, il est néanmoins, et j'insiste là-dessus, nécessaire d'agir dans le sens d'une meilleure prise en considération de ces demandes et de faire savoir à ces personnes détenues que l'administration pénitentiaire est soucieuse de répondre à leurs attentes. Donc, cette note met en place un nouveau dispositif pour la gestion du Ramadan, je l'ai dit. Les détenus désireux de pratiquer le Ramadan doivent désormais se manifester quelques jours avant le début de celui-ci. Et lorsqu'ils se seront enregistrés, on leur distribuera un repas le soir, conçu spécifiquement pour répondre à leur rythme alimentaire, imposé par le jeûne, donc avec des portions avec des grammages plus forts, en protéines notamment, et on leur donne également une collation composée de jus de fruits, de fruits secs, de céréales, destinée à compléter leur petit déjeuner. Mais ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, rien n'avait été fait. Donc, ce qui se passait, c'est que les détenus pratiquant le jeûne conservaient le repas distribué à midi pour le soir. Et si l'administration pénitentiaire, à ce moment-là, redimensionne ou reconfigure le dispositif, c'est que le Ramadan a lieu l'été. Et que du coup, l'amplitude horaire finie, selon laquelle le plateau reste dans la cellule sans être consommé, excède ce que prévoient les normes d'hygiène. Donc, voilà. Donc, il y a quand même quelque chose là qui est un peu... qui laisse un peu rêveur, quoi. Disons les choses comme ça. Cette note-là, c'est 2007 2008. C'est 2008. 2008, c'est là. 2008. Alors, en même temps, derrière cette prise en charge, il y a quand même tout. Il y a quand même des acteurs derrière qui ont véritablement à cœur de... une égalisation des conditions et une valorisation du principe de laïcité étant entendu comme respect de la liberté de culte. Et donc ces deux acteurs, c'est le tandem, donc Claude Darcourt, qui est le DAP à l'époque, hein, et le directeur de l'administration pénitentiaire, qui est réputé un homme de conviction, étant entendu par là catholique pratiquant, donc sensible en tout cas à la dimension religieuse, qui est réputé être extrêmement investi pour son administration. C'est-à-dire que c'est vraiment un DAP dont les gens au sein de l'administration parlent avec beaucoup de respect, dans la mesure où il s'est vraiment battu pour les personnels. Il a vraiment eu un cap, il a essayé de fixer un cap. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Et puis, il a trouvé un répondant très important chez quelqu'un qui était à un niveau d'une direction, qui est Jeanne Sautière, qui est devenue référente culte. Donc c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de 2006, qu'on a un guichet culte au niveau de l'administration pénitentiaire. Et Jeanne Sautière, elle, avait un parcours au sein des établissements comme conseillère d'insertion et de probation, et avait une espèce d'engagement viscéral pour l'égalité. Et donc, elle le fait au nom de la laïcité, et quand on a discuté avec elle, clairement, son engagement pour l'islam était vraiment ce souci d'une laïcité qui soit égalitaire. Donc il y a des acteurs qui ont aussi, parce que je ne veux pas quand même noircir trop le tableau, il y a des choses qui sont aussi de cet ordre-là. Alors, je vous ai dit, les signes de la prise en compte institutionnelle, c'est notes, l'organisation du ramadan, troisième chose, réajustement de l'aumônerie musulmane à la demande. Avec cette idée qu'il y a un désajustement entre l'offre culturelle, qui est très largement chrétienne, et une demande qui serait très largement musulmane. Et de ce point de vue-là, il y a un engagement fort de l'administration pénitentiaire en faveur de la création d'une aumônerie nationale, un effort financier qui est important. Encore faut-il préciser que la rallonge budgétaire qui permet de soutenir cet effort est liée au lobby catholique parlementaire qui a réussi à obtenir une petite ristourne. Pas une restriction, mais plutôt une rallonge, et que, après, d'après ce qu'on a cru comprendre, il y avait eu des arbitrages qui s'étaient joués au niveau de l'administration pénitentiaire. D'un côté, les catholiques disant ben, c'est quand même nous qui avons obtenu cet argent, donc c'est pour notre aumônerie, et voilà. Et finalement, bon, ça a bénéficié à tous. Et donc, effectivement, une multiplication des recrutements d'aumôniers. Alors, cette politique de normalisation, elle est évidemment loin pour le moment d'avoir atteint les objectifs d'égalisation du culte islamique sur les autres cultes. Et notamment, cela a été très fortement pointé, je ne sais pas si vous l'avez lu, par l'avis qui a été publié par le contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2011, en avril 2011, qui a été lui-même très médiatisé, et qui souligne une série de manquements justement aux obligations de la laïcité, dont cette disproportion, cette absence d'aumôniers musulmans dans nombre d'établissements. Pour vous donner un ordre de grandeur, il faut savoir qu'il y a 190 établissements pénitentiaires en France. Donc, et là, on est sur un volume de 200-300 aumôniers. Donc ça vous donne quand même un petit ordre de grandeur. Mais quand ils étaient 45... Ça veut dire qu'il y avait tout un tas d'établissements qui n'avaient pas d'aumôniers. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Donc il y a un manque de fait, quoi. L'autre point que souligne fortement le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est Jean-Marie Delarue, c'est le problème de l'alimentation halal. Parce que là, pour le coup, l'administration pénitentiaire s'en tient toujours à une réponse minimaliste s'agissant des prescriptions alimentaires liées à des normes religieuses. Cette prescription, cette gestion minimaliste, elle se décline sur le mode d'une offre de repas sans porc. Et du coup, ça donne des trucs complètement surréalistes. Parce que quand on entre dans l'établissement, les directeurs d'établissement très souvent nous disent « Ben voilà, vous êtes ici, dans cette maison d'arrêt, vous avez tant de musulmans. » on dit « Ah bon, et comment vous le savez ?» Ben parce qu'il y a tant de repas sans porc. Et puis vous descendez en cuisine, puis vous demandez un peu comment ça se passe, et puis là, le type des cuisines vous ouvre un tiroir, ça m'est arrivé dans un établissement, un tiroir avec une liasse de lettres, puis je regarde les lettres, et en fait, c'était des lettres de détenus qui demandaient, qui disaient « Mais moi je suis musulman, donc mon problème c'est pas de ne pas manger de porc, Le problème, c'est de manger de la viande sacrifiée rituellement. Donc, je veux basculer sur le régime végétarien. Donc, les catégories, elles sont, enfin, les façons de compter dérivées à partir des pratiques alimentaires, elles sont hyper aléatoires. De même que on dit, oui, il y en a tant qui font le ramadan. Mais en fait, pour avoir regardé un peu comment les choses se passent de près, il faut voir comment le détenu gère son alimentation. Et il peut tout à fait qu'un détenu non musulman estime intéressant d'avoir la petite collation du soir parce qu'il y a le jus d'orange, parce qu'il y a les dattes, parce que, et que ça lui plaise plus que le plateau, qu'il faut bien dire, est assez infâme, qui lui est servi matin et soir. Donc après, il y a comme ça des jeux de composition de menu. Après, il y a aussi le fait que y a symboliquement, faire le ramadan, c'est pas neutre. Ne pas le faire, c'est pas neutre non plus. Et donc, ça aussi, ça joue. Donc, déduire le nombre de musulmans à partir de cet indicateur me paraît extrêmement fourvoyant. Voilà. Donc, ça, c'est... Donc, Delarue, lui, insiste sur le fait que les détenus devraient pouvoir disposer d'une offre de viande halal. Alors, ils en disposent dans le cadre des cantines. Je ne sais pas si vous êtes tous très au clair. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'administration, enfin, détenu, vous avez... L'administration pénitentiaire est tenue de vous servir un repas, un petit déjeuner, un repas à midi et un repas le soir. Mais vous avez aussi une possibilité de cantiner, c'est-à-dire d'acheter des produits qui sont sur catalogue, qui sont très chers. Et donc, en fait, ça veut dire que seuls peuvent cantiner des produits halal des gens qui ont les ressources pour le faire. Donc ça, c'est quand même un point qui est extrêmement discriminant, d'ailleurs que souligne Delarue, en disant que, en revanche, le détenu qui, parce qu'il veut suivre les prescriptions religieuses, se met à consommer, enfin, à refuser de la viande, et parfois en limite de ce dont il a besoin pour vivre normalement. Donc voilà. Et là-dessus, il s'appuie, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'appuie sur des jurisprudences européennes qui vont clairement dans le sens que prendre en considération et faire en sorte que les détenus puissent consommer sur le plan alimentaire des biens en accord avec les prescriptions religieuses, ça fait partie des devoirs qui incombent à l'administration pénitentiaire. Donc ça, c'est un point important. Alors, je vous ai dit, cette politique de normalisation, elle opère sous contrainte. Elle est tardive, je crois que ça, vous en conviendrez avec moi. Elle résulte de trois contraintes. De trois contraintes. La première, c'est une contrainte pratico-pratique. C'est-à-dire que dans les établissements, il y a de plus en plus d'interrogations sur... Enfin, les routines institutionnelles sont perturbées. Et du coup, il y a de plus en plus de problèmes, savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Notamment sur les prières, sur le port de vêtements, sur l'alimentation aussi. Donc il y a là des questions qui remontent. Même si, il faut y insister, localement, il y a un certain pragmatisme. Hein, mais comme il y a localement partout, je dirais, il y avait ça aussi à l'école, enfin, il y a ça dans l'entreprise, si vous voyez à quoi je fais référence. Et donc, il y a un pragmatisme pour gérer les problèmes. Et donc, la non-prise en institutionnelle, la non-prise en compte institutionnelle au niveau de l'administration centrale ne doit pas laisser penser qu'au niveau local, il ne se passait rien. Enfin, il y avait des choses qui se passaient, et c'était plus ou moins bien géré. Et c'est ça probablement le problème essentiel dans la non-prise en considération au niveau central. Mais c'était plus ou moins bien géré. Et donc... Malgré tout, à partir des années 2000, il y a une multiplication des demandes sur ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire, c'est ce qu'on peut faire. Donc, qui n'est évidemment pas étranger au débat public sur islam, laïcité. La deuxième pression, c'est la pression du droit. C'est-à-dire que cette pression, elle opère à la fois par le haut et par le bas. Elle opère par le haut parce que la référence aux principes juridiques, la dignité de la personne sont de plus en plus prégnants pour l'administration pénitentiaire, et notamment C'est particulièrement prégnant sous le mandat de Claude Darcourt, donc, que je citais tout à l'heure, de 2006 à 2010, puisque Claude Darcourt a choisi de faire des règles pénitentiaires européennes qui sont très ordonnées aux libertés fondamentales et aux droits fondamentaux, à faire de certaines de ces règles un cap. Il s'en sert comme un outil de management, c'est très clair, mais il en fait quand même un cap pour orienter les personnels. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une très forte valorisation des formes, des bonnes formes, des procédures, du respect des formes. Donc ça, c'est un point important. La loi pénitentiaire, aussi décevante qu'elle peut être, qu'elle puisse être, de 2009, a eu quand même, marque quand même un point très important, qui est le passage d'une production du droit à huis clos au sein de l'administration, par l'administration, pour l'administration, à une production du droit par le législateur sous le regard de différents acteurs et sous le regard de la représentation nationale. Donc ça, c'est quand même un point du public. Donc ça, c'est un point important. Juridicisation par le haut, par le biais des contrôles, qui sont de plus en plus fréquents et multiples. Donc je citais tout à l'heure Jean-Marie Delarue, avec la création du contrôleur général des lieux du contrôle général des lieux de privation de liberté. Ça veut dire des visites régulières dans les établissements pénitentiaires, des rapports auxquels l'administration est tenue de répondre, le ministère de la Justice également. Donc là, il y a quand même la possibilité, un canal de plainte qui s'est ouvert, canal de plainte qui peut susciter justement des déplacements du dit contrôleur et de ses équipes. Donc il y a quand même quelque chose de très effectif. Et même si, notamment pour cet avis sur la laïcité, on était en enquête à ce moment-là, quand on demandait au chef d'établissement, vous avez entendu parler de cet avis, ils nous regardaient, ils n'en avaient pas entendu parler, ils ne voulaient rien en savoir, parce que quand même Delarue, c'est un peu l'abomination de la désolation pour eux. Il y a quand même des effets, en tout cas à moyen terme, et à court terme, qui sont la publicisation. Donc l'avis sur la laïcité avait été relativement médiatisé. Et surtout, un point sur la question de la juridicisation qui est important, c'est qu'en fait, Delarue, dans cet avis, il balise tout l'état du droit. Donc il donne tout un tas d'arguments qui pourraient, à mon avis, dans le cadre de litige, être très utilement repris dans le cadre d'une mobilisation judiciaire. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même pas rien. Donc ça, c'est un point important quand on sait que on a un phénomène de judiciarisation par le bas qui opère du fait de l'entrée des avocats dans les conseils de discipline depuis les années 2000, et on a un contentieux pénitentiaire qui est en train de littéralement exploser. Alors, s'agissant de la question religieuse qui nous intéresse ici, on a un petit contentieux religieux qui concerne, alors on a un contentieux de ce qu'on appelle en sociologie du droit les repeat players, c'est ceux qui jouent l'institution judiciaire dans une stratégie de mobilisation ordonnée, coordonnée, etc. Donc c'est les témoins de Jéhovah, très typiques, qui importent des technologies qui leur viennent anglo-saxonnes, donc ça ils savent très bien faire, plus ils ont de l'argent, ils sont très organisés, ils ont des très bons avocats, et ça marche. Là, il y a une décision pendante devant le Conseil d'État, puisque l'administration pénitentiaire refuse l'accréditation d'un aumônier témoin de Jéhovah au motif qu'il s'agirait d'une secte et qu'ils sont insuffisamment représentatifs. Mais dans l'état actuel des choses, il est fort probable que le Conseil d'État donne raison aux témoins de Jéhovah. Donc ça, c'est un point intéressant. S'agissant des musulmans, on a un petit contentieux dans les années 2005-2006, au moment où la norme sur les prières collectives a changé. C'est-à-dire que jusqu'en 2005, il était dans certains établissements d'usage, de coutume, de faire la prière collective, soit dans une salle, soit sur les cours de promenade. Et à partir de 2005-2006, la norme change. Elle est non dite au début, puis elle finit par être... elle est non écrite et elle finit par prendre la forme d'une directive, notamment la directive qui est inscrite dans ce que je vous disais tout à l'heure, la directive de 2007 en fait, sur la prise en compte du culte musulman. Et à ce moment-là, au moment du changement de la norme, notamment ça vient d'un établissement où il y avait une espèce de mobilisation collective assez forte organisée autour de l'islam. Et là, il y a eu quelques recours qui ont été tentés et qui ont été évidemment non suivis des faits. C'est-à-dire qu'on a donné raison à l'administration pénitentiaire. Voilà. Mais j'ai pas compris le changement qui s'opère. Pendant, si tu veux, dans certains établissements, enfin jusqu'en 2005-2006, dans certains établissements, il était parfaitement accepté que les musulmans soit une salle, soit fassent la prière collective en cours de promenade. Donc durant les promenades. Et dans cet établissement en particulier, qui a été l'origine de ce que d'ailleurs les services du droit ou de renseignement pénitentiaire qualifient de rébellion juridique, comme extraordinaire. Ça donne l'idée de ce qui s'est loué. Dans cet établissement, il y a eu un moment où le chef d'établissement a décidé de changer la norme. En disant, alors, il a envoyé un premier oukase en disant bon, à partir de la semaine prochaine, il est formellement interdit de prier sur les cours. Ils ont arrêté. Alors, ça, c'est une histoire moi, qui nous entraîne très loin, mais. Les détenus ont arrêté pendant une semaine ou 15 jours. Ils ont recommencé. Et un des gradés avec lequel je me suis entretenue avait été à la pêche aux informations à ce moment-là pour demander « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait, il lui a été répondu, justement, et probablement parce que le bibliothécaire de la dite prison est un ancien de la... pas de la RAF, mais d'Action Directe, très versé dans l'action juridique, et sert d'avocat un peu à tout le monde dans l'établissement. Et donc, ils avaient examiné le droit et ils avaient identifié effectivement une espèce de trou du droit, c'est-à-dire d'incertitude juridique, d'insécurité juridique. Et donc, ils se sont remis à prier et ils ont fait un recours. Mais alors là, la riposte a été immédiate, c'est-à-dire que, d'une part, tous ceux qui étaient sur la cour ont été mis soit à l'isolement, soit en quartier disciplinaire. Et puis, il y a ce qu'on appelle la technique du baluchonnage qui a consisté à transférer les uns et les autres et à éclater le noyau. Donc ça, c'est... voilà, qui a donné lieu à des recours. Mais, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de sociologie de la mobilisation judiciaire, c'est pour ça que j'ai fait ce petit préalable en citant en faisant écho aux témoins de Jéhovah. Et c'est aussi quelque chose que j'avais observé dans les affaires de voile. C'est que derrière, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de cohérence, et donc ça se fait de façon isolée, et du coup, ça n'a pas l'efficacité de la mobilisation des témoins de Jéhovah. Donc ça, c'est, enfin, je trouve que c'est, de ce point de vue-là, elle nous renseigne sur les conditions de félicité, entre guillemets. Exactement. Exactement. Troisième point, donc premier, la contrainte, c'est les demandes hein, de la mise en difficulté des routines institutionnelles des agents qui posent de plus en plus de questions à l'administration pénitentiaire. Deuxième, la pression du droit par le haut, par le bas. Et troisième contrainte qui fait que l'administration pénitentiaire en vient à reconnaître, à s'engager dans une action un peu plus volontariste à l'égard de la reconnaissance du fait islamique, c'est l'islam radical. Et là, de ce point de vue, c'est très clair, l'aumônerie est présentée comme le volet préventif, qui est très fortement articulé à ce dispositif que j'évoquais tout à l'heure, de repérage des profils à risque. De sorte que, et ça, dans les services de renseignement pénitentiaire, ça m'a été dit. Il m'a dit, mais vous voyez, on travaille étroitement avec les référents cultes, donc qui sont d'une autre direction, pour justement que les aumôniers soient prioritairement nommés dans les établissements où le risque est le plus fort. Donc là, il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre du brouillage du message. Parce que c'est explicitement dit, publiquement dit, et d'ailleurs, les aumôniers musulmans participent en partie à l'authentification de ce discours. Moi, j'étais, il y a 15 jours, je faisais une intervention devant 60 aumôniers régionaux, toutes confessions confondues de la région centre. Et Je disais juste que la question de la radicalisation en prison était mal posée. Et qu'il me semblait que le raccourci qui faisait que la prison était le lieu par excellence de la radicalisation occultait tout un tas d'autres processus qui ne permettaient pas de traiter de façon intelligente cette question. Enfin, intelligente politiquement peut-être, mais en tout cas, voilà. Il y a deux aumôniers qui m'ont dit « Mais si, mais je vous assure, ils se radicalisent, etc. » Je dis « Mais oui, il y a des phénomènes comme ça, j'en ai observé. Simplement, la question, c'est si vous déconnectez ça du contexte très spécifique qu'est la prison et de l'usage qui est fait par... » Et c'est là où la comparaison est intéressante avec d'autres religions. L'usage spécifique qui est fait de la religion pour affronter l'épreuve carcérale, il y a des choses qui vous échappent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne va se mettre à porter la djellaba et porter la barbe pendant son incarcération qu'à la sortie, elle va continuer à le faire. Et de même, c'est pas parce que certains vont aller au culte catholique ou de façon très assidue qu'ils vont continuer à le faire après. L'autre chose que nous, on a constaté dans le cadre de nos enquêtes, c'est qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de continuité biographique. Donc ces moments de rupture, cette idée que la prison c'est le lieu de toutes les ruptures, c'est quand même c'est hautement discutable quoi. Donc voilà, mais c'est intéressant sur le positionnement des aumôniers, je trouve. Donc j'en viens pour donc voilà pour l'état des lieux hein, sur ce qui se passe au niveau, j'allais dire mezzo et organisationnel, au niveau interindividuel. Donc là, c'est là où je suis plus gênée pour vous renseigner là-dessus. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a effectivement un problème, et nous on l'a ressenti très fortement, de racisme anti-musulman, qui s'exprime à la fois par des insultes. Alors, le problème de racisme, il va dans les deux sens. Hein. Les insultes, elles sont... voilà, disons que, plutôt que de racisme, parlons d'abord d'un processus d'ethnicisation par intermittence, qui opère dans le monde carcéral. Et là encore, ce processus d'ethnicisation, il prend plusieurs formes. Il peut concerner les Antillais, par les Créoles, il peut concerner les Alsaciens. On se reconnaît entre soi, il peut se concerner les Corses. Donc voilà, ça je crois que c'est important de remettre ça dans une perspective plus générale. Maintenant, c'est vrai que nous, on a quand même ressenti assez fortement ce discours, ce côté pesant sur l'islam, ces discours dépréciatifs. Alors, il s'exprime parfois le malaise d'un certain nombre de surveillants d'origine maghrébine, dont on sent quand on est en... Notamment quand les discussions sont collectives, ce qui nous est arrivé parfois, on sent très bien que... il y a un discours un peu un discours qui parfois est très limite hein, sur l'islam et qu'il y a une mise en retrait d'un certain nombre d'agents dont on sent très bien qu'ils ne partagent pas cette opinion, qui sont mal à l'aise et qui ont du mal à l'exprimer. On a certains surveillants qui nous ont raconté que effectivement dans le cadre des rondes de nuit ils ont assisté à des choses qui étaient proprement discriminatoires, comme par exemple enlever les plombs pour qu'une personne ne puisse plus lire son Coran, ou ne puisse plus écouter sa musique coranique, ou des choses comme ça. Donc il y a des faits comme ça. Maintenant, moi, la difficulté que j'ai par rapport à ça, et j'ai entendu, notamment dans les déjeuners, lorsqu'on déjeunait au mess avec les personnels et avec... lorsque les déjeuners se passaient plutôt entre natifs de natifs, pour pas dire gaulois, c'était parfois extrêmement chaud sur l'islam. Et donc il y a ces discours. Alors le problème, c'est d'une part de savoir quelle est leur représentativité, et le deuxième problème que j'ai, c'est de savoir dans quelle mesure le discours conduit implique une action, hein, est suivi de pratiques discriminatoires. Ça, c'est quelque chose de compliqué, parce qu'il faudrait le rapporter à d'autres pratiques discriminatoires qui peuvent toucher d'autres populations. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un jeu entre le surveillant et le détenu de privilèges et de faveurs. C'est-à-dire que je vais te donner une douche supplémentaire, comme ça je t'oblige, et donc toi, tu fais en sorte que de faciliter mon travail. Hein, c'est un peu... Don contre don. Voilà, on est complètement dans une logique de don contre don. C'est comme ça que Antoinette Chauvenet décrit la relation carcérale. Et de façon inverse, là, tu m'as embêté sur ce point. Donc, par exemple, tu n'iras pas au culte. Je vais oublier de d'ouvrir ta cellule. Mais voilà, donc la question qui est difficile, c'est ça. C'est de resituer ce qui se passe en fonction d'une trame d'interaction que, par définition, on ne peut pas suivre sur la durée. Donc, difficile de généraliser, difficile de mesurer le phénomène, mais ce qui est très net, et ce sur quoi je peux apporter des éléments, c'est qu'en revanche, pour les surveillants de confession musulmane, ceux qui disent qu'ils sont musulmans, ou d'origine maghrébine, il y a quand même un phénomène qui a été d'ailleurs observé dans l'enquête que Bertossi et Catherine Vitol de Vindel avaient fait sur ce qui s'appelle les couleurs de drapeau. On a un peu le même type de phénomène, c'est-à-dire une loyauté qui est mise à l'épreuve. Cette idée que on doit quand même, les surveillants d'origine maghrébine me disent qu'ils ne peuvent, il y a un tas de choses qu'ils ne peuvent pas faire comme les autres. Donc, par exemple, parler arabe. Parler arabe, ça peut être compliqué. Le voisin à côté, il peut parler créole. Il peut parler alsacien. Parler arabe, ça peut être source... ça peut éveiller des suspicions. Avoir trop de proximité avec... ou trop d'être trop sur un registre personnel avec un détenu. Ça peut susciter un certain nombre de éveiller un certain nombre de suspicions. Donc il y a quand même cette idée qu'ils sont mis à l'épreuve. Ils sont mis à l'épreuve, mais en même temps, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que parfois ils sont utilisés aussi par l'administration. Et donc c'est reconnu comme une compétence utile. C'est-à-dire que parfois, au contraire, c'est tel surveillant qu'on va envoyer pour négocier quelque chose, parce qu'on sait que parce qu'il partage, il a des traits de ressemblance avec le détenu, enfin en tout cas on présuppose un commun groupe d'appartenance, que ça va faciliter le transit du message, si je puis dire. Donc il y a comme ça un espèce de jeu voilà, qui est compliqué. Alors, sur les déterminants, on voit beaucoup de variations locales. Et moi, il y a deux choses qui me paraissent très, très importantes. C'est l'environnement local. C'est-à-dire que selon qu'on est dans un établissement qui est sur un territoire où il y a de la multiculturalité, de la diversité religieuse, un mode de gestion local, j'allais dire sur le territoire, plus ouvert à la diversité, à la religion, Marseille par exemple, eh bien évidemment, ça prédispose à la dédramatisation de l'islam. Ça, c'est un des premiers points. En revanche, évidemment, en Alsace, c'est plus compliqué. Hein. Donc ça, c'est un des points. Mais un deuxième point, c'est la composition, et là, ça mériterait de faire une enquête à part entière là-dessus, la composition des personnels. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un établissement où... les personnels aiment être parce que ce sont souvent des gens qui viennent du cru et qui ont envie de revenir. Donc, vous avez des établissements où il y a vraiment des natifs locaux qui sont souvent surveillants de père en fils. Par exemple, c'est le cas de Clairvaux, par exemple. Et du coup, vous avez une disjonction entre la composition culturelle des agents et la population pénale. Et du coup, ça peut entraîner des phénomènes de malentendus, de racisme et d'ethnicisation, je vais dire, discriminante. Donc ça, c'est un point qui me paraît assez net. Et en revanche, l'inverse est un très bon amortisseur, me semble un très bon amortisseur. Parce que ce que disent les surveillants, dont je parlais tout à l'heure, qui sont là depuis les années 90, ils disent qu'en fait, et qui progressent dans la hiérarchie, Et c'est aussi ça, je pense, la particularité de l'administration pénitentiaire, c'est une administration où la diversité culturelle n'est pas stratifiée avec une base multiculturelle et une hiérarchie blanche, mais de plus en plus une hiérarchie qui est elle-même multiculturelle. Moi, j'ai enquêté dans un établissement où l'équipe de direction, c'était black blanc beurre. C'était vraiment... Et à tous les échelons de la hiérarchie, on retrouvait une diversité culturelle, donc assez proche de ce qu'on voyait dans l'établissement. Donc ça, Berthe aussi vient de finir un rapport sur la diversité à l'hôpital. Et là-dessus, moi, j'ai le même résultat. C'est-à-dire que plus on est sur une homologie culturelle ou des personnels avec la population, moins il y a de racisme. Parce que les surveillants, pardon, je me suis perdue en route, les surveillants d'origine maghrébine me disent très bien que le fait qu'ils progressent dans la hiérarchie fait que les autres s'autocensurent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, qu'il n'y ait pas des choses, mais au moins ça n'a plus de légitimité, j'allais dire, publique. Et c'est ça, en fait, semble-t-il, un des points déjà importants, quoi. Donc, voilà, voilà ce que je peux vous dire sur ce que j'ai vu. Peut-être aussi compléter sur le fait que sur cette ethnicisation, elle est à double tranchant. Enfin, il y a une dynamique très paradoxale. C'est-à-dire que ce que j'évoquais tout à l'heure quand tu m'as demandé, mais je ne comprends pas comment ça se passait dans la cour de promenade, etc., est un mode de gestion de certains établissements. C'est-à-dire qu'il y a certains établissements où il y a un système de caïda, il y a une délégation où les normes sont déclinées de façon, même par rapport au port de la djellaba qui est interdit, les prières, etc. Il y a certains établissements où on lâche du lest. Parce que dans le fond, l'usage de l'ethnicité, entre guillemets. Absolument. Ah, mais ça, c'est très net. Usage qui peut se faire à la fois, et dont usent très bien aussi interindividuellement les surveillants antillais, juifs, quand il y en a, notamment c'est ce que j'ai vu à Marseille, quand ça peut les arranger, ou au contraire dissimulation, ou alors on suggère quelque chose. Donc ça joue dans les deux sens. Ça peut être aussi utilisé, par exemple, la religion à des fins de contrôle social. C'est-à-dire... Et ça, on le voit de façon très, très nette. Donc, c'est pour ça que je suis pas très à l'aise pour apporter des enseignements généraux. Mais je pense que, voilà, les variables que j'ai évoquées, elles me paraissent pour le coup pertinentes, même si ça mériterait de faire une véritable enquête pour vérifier la pertinence de ce qui n'est, disons-le, que des hypothèses. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous apporte beaucoup. Un peu quelque chose. Merci beaucoup, ça nous laisse un peu plus d'une demi-heure pour discuter. On prend une première série de questions. Vous voulez d'abord la parole. Une question plutôt générale sur ce qui est sociologie qui s'intéresse au milieu carcéral. À quel point s'est développé notamment ce rapport institution et les privations de liberté des détenus, comment ils le vivent dans leur intimité, leur quotidien, en fait, leur routine. Alors, vous parlez de en général ou vous parlez de... Pas sur spécifiquement les musulmans, mais vraiment en général. Comment on gère l'épreuve, entre guillemets, de la prison. D'accord. L'autre question, c'est sur votre enquête. À quel lieu est-ce que vous avez accès? D'accord. C'était dans quel contexte? Je pense que c'est pas neutre. Si vous étiez à plusieurs chercheuses en plus femmes dans un milieu masculin, avec qui vous pouviez aussi faire les entretiens, des premières cartes. D'accord. Je ne sais pas si je réponds immédiatement. Une salle, d'accord. Une donc lieu et avec qui? Sur les règles alimentaires pour la célébration du sacrifice d'Abraham et d'El Kibir. Et j'aimerais justement savoir quels sont les aliments qui ont été décrits dans ce que pouvaient manger les détenus, mis à part le mouton. Et la deuxième question, elle est un peu plus théorique. Vous avez dit racisme anti-musulman, mais parlons d'abord d'ethnicisation. Quelle différence vous faites entre les deux? Est-ce que l'ethnicisation mène à un D'accord. Ouais. Donc d'abord, je vous remercie pour votre intervention. Et moi, je voulais vous demander, je voulais vous poser une question sur les aumônières. Tout à l'heure, vous disiez que l'aumônerie était présentée clairement comme un volet préventif et qu'on plaçait les aumôniers là où le risque était le plus fort. Et je me demandais donc s'il y avait, si on estimait qu'il n'y avait pas de risque chez les, enfin dans les présentes femmes. Chez les femmes. Oui, chez les femmes et s'il y avait des aumôniers placés là. Ça fait déjà pas mal. Ouais, d'accord. Ben merci, c'est des questions intéressantes. Comment on gère les preuves carcérales, c'est ça? Ouais, alors, ce que dit la... Bon, d'abord, qu'est-ce que les preuves carcérales? Et puis peut-être, je peux reformuler les choses comme ça, et dites-moi si ça vous convient. Je peux vous dire déjà en quoi consistent les preuves carcérales, et je peux vous donner quelques éléments sur pourquoi la religion est une ressource spécifique pour affronter cette épreuve. Est-ce que c'est... Je serai en plus. D'accord. Alors, d'accord. Sur... Non, mais sur les... Sur les preuves, ça, il y a eu... Enfin, si vous voulez, l'épreuve carcérale consiste dans un phénomène qui a été parfois qualifié de dépersonnalisation. C'est-à-dire ça, c'est issu de la sociologie de Goffman, qui considère la prison comme une institution totale. Et donc, c'est une... L'incarcération fait que l'individu est dépouillé d'un certain nombre de ses attributs identitaires qui font son identité sociale ordinaire.